future. We're like children without any tutor. Ignorance and poverty's mashed up this land. And as I look back over de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Vers 1980, les apothèques de l'Oshika avaient... Libertad, libertad, a los presos por luchar. Without the struggle, there is nothing. There really is nothing. So, we struggle on. El movimiento popular es perseguido sistemáticamente. La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, todos, todos, todos, todos. Depuis septembre 2008 a été lancée la campagne nationale et internationale. Primero nuestros presos. Le message de cette campagne est que chaque compagne et compagnon qui est emprisonné ne sera pas abandonné. En solidarité contre l'oubli des prisonnières et prisonniers de notre campagne, nous vous présenterons leurs histoires, leurs luttes, leurs expériences, leurs combats et leurs voix. Agustín Luna Valencia. Álvaro Sebastián Ramírez. Justino Hernández José. Mario Ambrosio Martínez. Fortino Enríquez Hernández. Eleuterio Hernández García. Prison centrale de Santa María Excotel, État Oaxaca. Zacaria Pascual García López. Prison Villa Etla, État Oaxaca. À quelques 6 heures de route au sud de la ville d'Oaxaca, la région de Los Chica est le foyer de 5000 indigènes zapothèques répartis en 32 communautés. En 1965, les caciques étaient venus s'installer à Los Chica. Ils s'embroulaient des maisons et prirent la terre fertile des Los Chica pour contrôler la production des cafés de la région. Ce n'est pas le gouvernement fédéral mexicain, ni celui de l'État d'Oaxaca, mais les propres indigènes zapothèques qui ont travaillé pour obtenir justice. Et 5 ans après, en 1970, ils ont chassé les caciques et ont commencé à reconstruire leur communauté. Vers 1980, les zapothèques de Los Chica avaient en effet récupéré leur forme traditionnelle de gouvernement. Et ils ont élu un président municipal dans une assemblée et sans parti politique, grâce aux us et coutumes indigènes. Or, une organisation armée connue comme l'Armée populaire révolutionnaire EPR apparaît en 1996 dans la région voisine des Crucecito-Huatulco. Les caciques et les amis du gouvernement profitent de l'occasion pour reprendre le contrôle de la région de Los Chica. Ainsi, sous prétexte de poursuivre l'EPR, ils sont revenus avec des hélicoptères et des tanks pour briser les apothèques et reprendre la main sur la production de café de Los Chica. Ils ont commencé par arrêter des professeurs et les représentants du gouvernement indigène, y compris le président municipal Agustín Luna Valencia. Puis le gouvernement de l'État d'Oaxaca a emprisonné plus de 100 résidents de Los Chica en 1997. 9 d'entre eux ont passé déjà plus de 10 ans dans la prison Discotel et dans d'autres prisons. Les caciques et leurs mercenaires sont toujours libres et opèrent toujours avec une impunité relative, faisant disparaître jusqu'à 50 personnes dans les années qui suivirent l'attaque. Arrêtés entre 1996 et 1999, les prisonniers de Los Chica ont été torturés et ont subi des disparitions forcées de plusieurs jours. Ils ont été accusés d'appartenir à la guérilla EPR et ils sont aussi accusés d'homicide, de terrorisme, de conspiration, de vol et d'enlèvement. Après un très long procès, ils ont été condamnés de 29 à 31 ans de prison. Les prisonniers Discotel font partie du collectif zapatiste de Oaxaca et ils n'ont pas fait qu'adhérer à la 6e déclaration de la forêt Lacandon et à l'autre campagne, de l'EZLN, mais ils sont actifs au sein de la prison. Ainsi, ils donnent un courageux exemple pour le reste de leurs camarades qui luttent à l'intérieur et à l'extérieur des prisons dans le très répressif état de Oaxaca. On va écouter une intervention de Erika Sébastien, qui est la fille d'un prisonnier politique et qui va nous lire une carte écrite par les prisonniers. Actuellement, nous sommes 12 citoyens emprisonnés pour des délits d'ordre fédéraux fabriqués qu'ils n'ont jamais commis. Aujourd'hui, 10 juin, c'est le 12e anniversaire du piquet de protestation des femmes de Los Chica qui a été installé le 10 juin 1997. À cause du manque de sensibilité politique des autorités fédérales compétentes pour nous libérer de ces vieux problèmes, nous sommes obligés de continuer à lutter depuis l'intérieur de la prison. Une fois de plus, nous lançons un appel aux organisations sociales, aux syndicats, aux universitaires, aux ouvrières, aux voisins, aux paysans et aux personnalités pour qu'ils se solidarisent avec notre lutte pour un appui économique en vivres, en médicaments et autres. Enfin, nous vous informons que nous n'abandonnerons pas la lutte pour la liberté de nos proches. Máximo Mojica Delgado, María de Los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lesma, prison d'Acapulco, État de Guerrero. Professeur Máximo, María et Santiago habitent la municipalité de Tlalhuapan, dans l'état du Guerrero. María et Máximo sont des membres actifs de l'organisation coordonnatrice étatique des travailleurs de l'éducation de Guerrero, CETEG, et adhérents à l'autre campagne. Ils sont aussi participés à la lutte sociale de l'association Terre et Liberté qui intervient sur les questions du droit au logement. Cette association fait partie du front des organisations démocratiques de l'état du Guerrero, FODEG. Le 27 novembre, trois hommes armés, à bord d'un véhicule banalisé, ont arrêté la voiture dans laquelle circulaient Máximo, María et leurs enfants. Ils ont forcé Máximo à sortir, ils l'ont amené, ils ne se sont pas présentés comme des policiers et n'ont pas montré des mandats d'arrêt. Le 29 novembre, María a reçu un appel téléphonique de son époux lui indiquant qu'il avait été kidnappé et qu'elle devait payer une rançon de 50 000 pesos, environ 3 000 euros. Le jour même, les voisins ont signalé que María et Santiago, qui lui rendaient visite, avaient également été enlevés chez elle par un groupe d'hommes armés en uniforme. Ces derniers étaient arrivés à bord de 7 camionnettes banalisées et dépourvues de plaques d'immatriculation. Les hommes qui ont arrêté Máximo, Maria et Santiago sont tous des agents de la police judiciaire de l'État du Guerrero. L'après-midi du même jour, le frère de Máximo avait reçu un appel téléphonique anonyme lui disant de se rendre de toute urgence chez son frère parce que des personnes non identifiées étaient en train d'élever Maria. Sur le chemin, il a pu voir plusieurs hommes s'habiller en uniforme de l'Agence fédérale d'investigation AFI qui portaient des cagoules et des gilets pare-balles et qui fouillaient la camionnette de Máximo. Déjà le 31 août 2001, Máximo avait été porté disparu. Il avait été torturé et abandonné dans un lieu inconnu, pratiquement mort. Il avait finalement réapparu le 15 septembre 2001. Il y aurait une relation entre cette disparition et la supposée participation de Máximo à la prise de terre pour construire des logements. On ignorait où s'est trouvé Máximo, Maria et Santiago jusqu'à ce qu'ils soient enfin localisés le 3 décembre au bureau du procureur général de l'État de Guerrero à Acapulco. Máximo et Santiago ont été torturés durant leur arrestation. Ils présentent des signes de coups sur différentes parties du corps. Ils affirment avoir reçu des coups de poing et des coups de pied. Les détenus n'ont eu accès à des soins médicaux appropriés, ni même à un avocat. Et la seule personne qui a pu leur rendre visite est le délégué de la Commission des droits de l'homme de l'État du Guerrero, commission non indépendante liée au gouvernement du Guerrero. Máximo, Maria et Santiago sont actuellement en détention provisoire à Acapulco. Les autorités ont indiqué qu'ils s'étaient accusés d'enlèvement. Les trois détenus ont été transférés à la prison d'Acapulco où ils attendent toujours leur procès. Alberto Patistán Gómez. Rosario Díaz Méndez. Prison numéro 5 de San Cristóbal de las Casas, État du Chiapas. Alberto est un indigène tzotzil. Il était instituteur avant d'être arrêté par la police le 19 juin 2000 dans la municipalité d'El Bosque au Chiapas. Il est accusé d'embuscade, de port d'armes et de l'homicide qualifié d'un agent de police. Les irrégularités de procédure et les preuves de son innocence ne manquent pas. Cependant, il sera condamné à 60 ans de prison et emprisonné le 21 juillet 2000 dans la prison numéro 14 dite El Amate. Rosario a été arrêté le 23 août 2005 par la police municipale et a disparu plusieurs jours pendant lesquels il a été torturé. Pendant sa détention, ses geôliers lui ont attaché les mains et les pieds et bandé les yeux. Ils l'ont frappé et ils l'ont mis un sac plastique sur la tête pour l'asphyxier et lui faire signer des aveux. Il est accusé d'avoir participé à un enlèvement. Il est emprisonné dans la prison numéro 5. Entre février et avril 2008, 48 prisonniers et prisonnières de trois prisons du Chiapas se mettent en grève de la faim pour protester contre leurs incarcérations injustes. Face à la pression des prisonniers et prisonnières, le gouvernement du Chiapas a dû libérer 300 détenus. Plusieurs d'entre eux faisaient partie de la Voix de la Mate et de la Voix de los Llanos, qui sont des organisations de prisonniers appartenant à l'autocampagne. Ces organisations dénoncent le fonctionnement arbitraire du système judiciaire mexicain, la torture physique et psychologique que les matons leur font subir, ainsi que la corruption qui sévit dans les prisons. Alberto est le dernier de la Voix de la Mate, encore emprisonné. Il a été transféré le 1er avril 2009 à la prison numéro 5 de San Cristóbal de las Casas, où il continue avec Rosario la lutte pour les prisonniers. On va maintenant écouter la voix d'Alberto qui nous parle de sa lutte en prison. Nous avons des contacts avec plusieurs compagnons, comme l'organisation de la Voix de los Llanos, qui sont nos compagnons comme nous, avec qui nous avons de bonnes relations à tous les niveaux. Nous communiquons avec des lettres, avec des mots. On profite des visites pour qu'ils leur transmettent nos messages. Quand on doit se mettre d'accord sur certaines choses, on le fait. Quand ils ont un problème, et nous aussi, nous communiquons pour nous aider. Quand il faut faire une dénonciation conjointe, nous la faisons. Quand ils nous informent qu'ils souffrent d'un harcèlement, nous menons la lutte aussi pour nous aider et nous coordonner. La communication, nous la faisons en profitant des visites qui nous transmettent des informations. Nous échangeons aussi des lectures qui nous aident à aller de l'avant. Les lectures sont notre assistance, nos matériaux didactiques que nous avons utilisés. Et tout cela a été très fructueux pour continuer cet échange permanent avec nos compagnons. C'est ce que je peux vous dire sur notre organisation. Jerónimo Gómez Zaragoza. Antonio Gómez Zaragoza. Prison de la Mate, État du Chiapas. Jeronimo et Antonio sont frères. Ils habitent tous les deux la communauté indigène Tzetzal de San Sebastián Bachajón dans la municipalité de Chilón. Cette municipalité et d'autres sont menacées par un méga projet touristique nommé Centre intégralement planifié Palenque Agua Azul, CIPP. Ce projet prévoit l'extension de l'aéroport de Palenque pour répondre aux normes internationales, la construction d'une autoroute entre les deux villes touristiques de San Cristóbal de las Casas et Palenque, la construction d'hôtels et d'un train écotouristique. Le CIPP affectera un nombre important de communautés zapatistes et de l'autre campagne. L'Assemblée de la communauté de San Sebastián Bachajón, qui fait partie de l'autre campagne, s'est toujours opposée aux projets néolibéraux qui les expulsent de leur territoire et entraînent une dégradation des ressources naturelles. Entre les 13 et 19 avril 2009, Jeronimo et Antonio ainsi que 6 membres de l'autre campagne et adhérents à la Sexta Déclaration de la Selva Lacandon ont été arrêtés par la police étatique préventive, qui les accusait des destructions des véhicules. Ces arrestations n'ont pas été faites au hasard. Les personnes arrêtées étaient toutes très engagées dans la lutte contre le méga projet touristique du gouvernement. Ils ont subi des mauvais traitements et ont été torturés pour le faire passer aux aveux. Ils ont été accusés de vol avec violence et de délinquance organisée. Pendant leurs interrogatoires, leurs droits n'ont pas été respectés. Ils n'ont par exemple pas pu faire appel à un traducteur tzetzal. Ils sont actuellement en prison en attente de leur procès. Depuis, 6 personnes ont été libérées, grâce à la solidarité nationale et internationale. Jeronimo et Antonio sont toujours détenus dans la prison de la Mateu Chapas, connue pour ses mauvais traitements. Nous allons maintenant entendre la voix de Antonio Gómez Zaragoza. Je m'appelle Antonio Gómez Zaragoza. Je vous parle de Cintalapa Chiapas, depuis la prison de la Mateu. Depuis le 1er mai, nous sommes emprisonnés ici. Ici, à la Mateu où nous sommes, nous souffrons beaucoup parce qu'ils nous font travailler de jour et de nuit. En plus, nous sommes emprisonnés simplement pour avoir défendu nos droits et notre terre à laquelle nous appartenons. Nous sommes organisés avec notre peuple, avec l'organisation à laquelle nous appartenons, parce que le gouvernement veut envahir la terre dont nous vivons avec nos familles. Nous défendons la terre de les rideaux de San Sebastián Bachajón et nous appartenons à l'organisation de l'autre campagne de l'EZLN. Le projet du gouvernement veut mettre en place ici, sur notre terre, un nouvel ensemble touristique qu'on appelle le nouveau Cancún Chiapanec, où le gouvernement et les chefs d'entreprise vont se faire des profits rien que pour eux, et le bénéfice va être uniquement pour eux. Quant à nous, ils nous ont arrêtés simplement parce que nous appartenons à l'organisation de notre campagne de l'EZLN. C'est pour cela qu'ils nous ont arrêtés, pour défendre la terre de San Sebastián Bachajón. Ce que je veux dire à mes compagnons indigènes de San Sebastián Bachajón, c'est de continuer la lutte. Nous devons nous battre ensemble pour aller de l'avant. Je veux leur dire aux compagnons, et aux compagnes de continuer la lutte, car nous, en étant ici emprisonnés, nous ne pouvons rien faire. Pour plus d'informations sur les prisonniers de l'autre campagne, vous pouvez vous connecter à libéronslais.wordpress.com. Libéronslais sans accent ni espace. Libéronslais.wordpress.com. Hola, hola, hola, vous êtes bien sur la jungle des luttes 106.3 avec juste avant une capsule, un extrait monté par les copains des trois passants du site Libérons-les par rapport à la question des prisonniers, des derniers prisonniers politiques au Mexique et des campagnes de libération qui se mettent en place actuellement pour ça. Alors cette émission aujourd'hui, on va la faire en très petit comité, des fois c'est pas toujours ça, des fois on est 5, 6, des fois on n'est pas beaucoup. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup. Je suis seul avec Pablo La Technique. Et on va parler, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé au mois de février au Mexique, surtout au Chiapas, avec des arrestations, pas mal de répression. Donc on va revenir un peu sur tout ce contexte, les appels à solidarité qu'il y a par rapport à ça, et aussi un peu aussi sur des événements qui nous ont touchés là, dans ce dernier mois, et notamment quelque chose qui a été très fort dans ce dernier mois, qui sont les révolutions, en tout cas les révoltes en Afrique, revenir un peu sur l'expérience de copains qui étaient partis, qui avaient fait une caravane jusqu'au forum social, la situation là-bas, et puis un peu ce qui peut se passer aussi ici en France. Et puis voilà. On va commencer d'abord par un petit extrait musical pour faire la transition, et puis ensuite on va revenir pour reparler de toutes ces histoires, donc de Bacharon, des arrestations récentes, et de ces fameux plans touristiques et de ce complexe intégral Ahuasul Palenque. Tout de suite, plage musicale. Nunca salió del monte, siempre estuvo en la sierra. Cuando yo era niño me regaló un asadón. Te encargo la tierra si un día falto yo. De día y noche él trabajaba sin parar, pero un cacique lo quería despojar como se pudiera, de cualquier manera, aunque de coraje mi abuelo se muriera. La muerte llegó y se tuvo que marchar. Su alma de tarasco tuvo que volar. Con lágrimas mi tata yo te vuelvo a recordar. Te prometo que esas tierras yo las vuelvo a sembrar. Tu alma mi tata yo la tengo que vengar, aunque el asadón por un rifle lo tenga que cambiar, lo tenga que cambiar, lo tenga que cambiar. Seguro, medio comiendo, un pan medio duro, esclavo del hambre, miseria, violencia. A veces aprendes a no tener conciencia. Trabajos no hay, dinero está escaso. Políticos con feria no nos hacen caso. Esto es un fracaso, cada día que paso, un nuevo partido es otro madrazo. Le llaman democracia, sí, me causa gracia, pero más olor y me deja un mal sabor. Yo a la muerte le he perdido el temor. No sé si morir sea el remedio mejor. Nuevas caras, nuevas leyes, falsas ilusiones. Ha pasado tanto tiempo que he llegado a conclusiones. Atención, los hijos del maíz. A la hierba mala hay que arrancarle la raíz. A los hijos del maíz. A los hijos del maíz. Los hijos del maíz. Los han hecho sufrir. Los han hecho sufrir y los quieren ver morir. A los hijos del maíz. A los hijos del maíz. Los hijos del maíz. Los han hecho sufrir. Han hecho sufrir y los quieren ver morir. Te han hecho sufrir por no tener nada. La pobreza sigue porque nunca se acaba. La gente más jodida es la más involucrada. Ven todos el problema y no se resuelve nada. Años escondida la verdad, cinco generaciones en la oscuridad. Llegó la luz, terminó la tempestad. El gigante dormido vuelve a despertar. El alma del Che me aconseja. Villa me dice, móchales la oreja. Por fin esta lucha se encuentra pareja. Con gusto termino con toda la nobleza. Somos hijos del maíz, protegiendo la raíz. Maldita la miseria de nuestro país. Desde la matriz arranco yo el problema, eliminando el corrupto y cruel sistema. Llegó la etapa espiritual, donde la batalla es un tal por cual. Lo que das recibes, lo injusto lo impides. Si no es así, te mereces donde vives. A los hijos del maíz. A los hijos del maíz, los hijos del maíz. Los han hecho sufrir. Los han hecho sufrir y los quieren ver morir. A los hijos del maíz. A los hijos del maíz, los hijos del maíz. Los han hecho sufrir. Los han hecho sufrir y los quieren ver morir. El cambio sueño se da con sacrificio. Sacrificio, como el dolor que causa un orificio. Vale la pena si se obtiene el beneficio. Busco las armas, quiero cambiar de oficio. Liberarme de este ciclo vicioso. El indio sigue pobre y el rico poderoso. Muero yo de sed siendo dueño del pozo. A estos responsables merecen calabozo. Todos coludos o todos rabones. Los gritos de Zapata hacia los pelones. Rugen los cañones, suenan los tambores. Les llegó la hora a los impostores. Subraya los problemas, busca la solución. No quiero que esta letra sea una simple canción. Mueres o lloras, luchas o imploras. Sus acciones en la historia, ¿qué es lo que dirán? A los hijos del maíz. Del maíz, los hijos del maíz los han hecho sufrir. Los han hecho sufrir y los quieren ver morir. A los hijos del maíz. A los hijos del maíz, los hijos del maíz los han hecho sufrir. Los han hecho sufrir y los quieren ver morir. La historia nos recuerda todos los tropiezos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, continuamos cayendo en los mismos errores. Seguimos siendo psicológicamente controlados, dominados. Y para poder romper este ciclo, se necesita una iniciativa individual con mucha disciplina. Cada uno de nosotros tenemos que terminar con el egoísmo, eliminando el yo y reemplazándolo con el nosotros. De la misma manera que nuestros antepasados coexistían colectivamente, de una manera más espiritual. Nosotros somos descendientes de una raza pura, única, con mucho conocimiento. No dejemos morir nuestro pasado. Hay que rescatarlo de las garras del materialismo, del egoísmo, de la ignorancia. Porque todo esto en conjunto es la cuna donde nace la envidia, la traición y el racismo. Y todas las energías negativas que han atacado a nuestra gente por más de 500 años. Es tiempo de reparar los daños a la raza de los cosmos, los hijos del maíz. 106.3, la jungle des luttes. Voilà, on vient d'avoir un extrait musical de Quinto Sol, un groupe mexicain, un gabacho, comme on pourrait dire, un groupe de Mexicains anciens sans-papiers aux États-Unis sur la bataille pour les terres, la bataille pour le maïs. Et donc, retour sur Bachajón, on voulait revenir un peu là-dessus par rapport aussi à l'extrait, donc à la capsule que nous ont préparé les copains des Trois Passants par rapport à la répression, à la situation des prisonniers politiques, et aussi pour remettre un peu le contexte de tension qui s'est de nouveau ravivé au Chiapas principalement. Depuis le mois de février, on n'a pas fait d'émission au mois de février, donc on n'a pas pu trop en parler, mais depuis le mois de février, donc la tension est revenue fortement au Chiapas par rapport à donc toute une série de d'arrestations, d'actes de répression, tous qui ont à voir avec un contexte dont on a déjà eu l'occasion de parler un certain nombre de fois, qui ont à voir avec l'implantation d'un nouveau centre touristique au Chiapas, dans la zone de Palenque, et la construction d'une grande autoroute payante entre Palenque, justement, et la ville de Palenque, donc, qui est la ville de San Cristóbal de las Casas. Et donc, ce conflit-là, donc ces projets qui sont toujours à l'état de projet, mais sur lequel il y a des plans de la Banque mondiale, du Mexique, de diverses instances internationales qui cherchent à les réaliser. Donc pour les mettre en place, il faut vaincre quelque chose de central, il faut vaincre la résistance des communautés et surtout s'approprier leurs terres qui sont toujours pour beaucoup d'endroits en possession collective sous forme des rideaux qu'on a déjà décrit un certain nombre de fois dans cette émission. Et ça se fait pas sans heurts, ça se fait pas sans répression et ça se fait pas sans résistance non plus. Donc à ces projets de construction touristique, en tout cas de construction déjà de l'autoroute, on a déjà eu l'occasion d'en parler, ça a été dénoncé par beaucoup de communautés de toute la zone où cette autoroute doit être construite, parce qu'elles ne voulaient pas que leur terre soit expropriée pour pouvoir la construire, et parce qu'elles n'étaient pas dupes non plus des projets d'implantation touristique et de cette vision que le gouvernement du Chiapas voudrait leur mettre, ça veut dire le développement mais à des postes subalternes dans l'économie, et elles, leur vision à elles, plus basée sur la paysannerie, l'agriculture et le maintien de leurs traditions et le contrôle de leurs ressources naturelles et de leur territoire. Donc on a souvent parlé d'une communauté qui était assez proche de San Cristobal, qui s'appelle Mitziton, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de San Cristobal, où devait démarrer ce projet d'autoroute et qui, jusqu'à présent, refuse le passage, refuse les travaux. Et donc, une communauté qui a été agressée un certain nombre de fois, sur lequel il y a des pressions paramilitaires notamment. Et là, cette fois, ça a éclaté un peu plus haut, dans une autre région indienne dans laquelle il y a eu beaucoup de terres récupérées, notamment au moment du soulèvement, qui s'appelle Batcharon, et plus précisément San Sebastian Batcharon, dans lequel qui jouxte en fait les cascades très touristiques d'Awa Soul. Alors ces cascades d'Awa Soul, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de conflits qui se sont développés récemment, parce que elles font partie donc de la zone où devrait être construite un millier de chambres d'hôtel, un parc aquatique, toute une série d'infrastructures touristiques importantes, construites donc par un organisme qui s'appelle la Fonatur, qui est un organisme central d'aménagement du territoire au Mexique, et plus particulièrement d'aménagement touristique. C'est eux qui ont construit l'énorme complexe touristique de Cancun que tout le monde connaît. Et donc cette Fonatur envisage donc de prendre possession de la zone d'Awa Soul et de zones autour de Palenque pour construire à terme 8000 chambres d'hôtel. Donc dans la zone d'Awa Soul, il y avait déjà eu des conflits parce que les terres sur lesquelles doivent être construites notamment ces bungalows, etc., sont occupées notamment par des communautés zapatistes qui avaient déjà provoqué des heurts il y a déjà 2 ans et puis l'année dernière. Là, c'est un autre conflit qui a démarré, qui a à voir en fait au passage entre l'autoroute et ses cascades. Pour accéder à ces cascades, il faut prendre des sentiers. Et donc, il y a des conflits sur le contrôle de ces sentiers d'accès où les autorités officielles aimeraient qu'on construise. Enfin, ont toujours eu des accords avec des petites communautés pour prendre le guichet, pour prendre l'entrée de visite à ces cascades. Et donc ce passage-là qui devrait être bientôt modernisé, agrandi, pour un afflux touristique beaucoup plus massif. Et donc les gens de la région qui étaient très opposés à ces projets, qui possédaient des terres dans la région, avaient décidé de faire leur passage à eux pour contrôler la zone. En prenant aussi cet argent-là pour le développement de leur communauté et pas simplement pour, pas pour des projets d'enrichissement personnel, mais pour faire fonctionner notamment les structures de santé, les structures autonomes de la zone. Donc, et il y avait une très forte opposition de ces communautés à la construction de l'autoroute, et surtout au contrôle étatique de la zone, où eux, ils disaient, s'il y a des cascades, s'il y a des touristes qui viennent, à la limite, que ça reste petit, mais que ça soit nous qui le contrôlions, et il ne faut pas que ça soit l'État qui vienne le contrôler à nos places, en revendiquant donc le contrôle de leur territoire et de leurs ressources naturelles. Donc, ils avaient construit leurs infrastructures à eux. Et dans l'entreprise là, du gouvernement mexicain de reprendre possession de la zone, il y a tout un plan donc, qui a consisté à faire monter la tension pour détruire ces infrastructures autonomes qu'ils avaient créées et criminaliser donc, tous ces habitants de la communauté de Batcharon, qui fait partie aussi de l'autre campagne zapatiste, pour les criminaliser et enlever les résistances qu'il y a dans cette région, et surtout imposer des structures qui soient gérées par l'État lui-même et non pas par les communautés. Donc, je vais, pour resituer un petit peu déjà le contexte de répression, je vais lire un premier communiqué qui a été écrit par des gens de l'autre campagne, donc le réseau contre la répression et pour la solidarité, qui réexpliquait un peu tout ce contexte avec, vous allez voir, des centaines d'arrestations pour pouvoir un peu vous situer le contexte général de ce qui s'est passé durant le mois de février. Puis ensuite, on reviendra un peu sur, sur tous ces enjeux-là et puis là où on en est actuellement. Donc le communiqué s'appelle est une déclaration du réseau contre la répression par rapport à la vague au Chiapas, la vague de répression contre l'autre campagne. Nous dénonçons avec indignation la nouvelle escalade de violence et de répression contre les communautés organisées de l'autre campagne au Chiapas. Nous sommes alarmés par les agressions dont nous avons été témoins durant le mois de février. Ces attaques ont été réalisées par l'État et par ses groupes paramilitaires contre les adhérents de la 6e déclaration de la forêt Lacandone. Le 2 et 3 février, 117 personnes des terres communales de San Sebastián Bachajón ont été arrêtées. Les adhérents de Bachajón ont été emprisonnés parce qu'ils ont exigé que soient respectés leurs droits historiques collectifs en tant que peuple indigène. Le 12 février 2011, 5 agents du gouvernement de l'État sont venus à San José en Rebeldía, qui est donc l'une des communes autonomes zapatistes, pour négocier la libération des 10 adhérents séquestrés par l'État en échange de l'administration du péage d'Agua Azul. En plus de cela, ils prétendaient marchander le renoncement à la libre détermination du territoire, alors que celle-ci est un droit non négociable. Donc je vais m'arrêter déjà sur ce passage pour essayer de resituer ce qui s'est passé. Je m'aperçois que ce n'est pas si clair que ça. En fait, début février, sur l'instigation donc, fortement poussée par des gens de l'État du Chiapas, des dizaines de gens très proches du gouvernement qui s'étaient vus s'étaient vus promettre des intérêts financiers dans la gestion du futur centre étatisé, ont attaqué donc le guichet autonome, l'ont brûlé. Et le lendemain, donc les gens de l'autre campagne, proches des zapatistes, sont venus à près de 100-150 personnes pour récupérer les installations. Il y a eu des affrontements. Dans la soirée, des centaines de policiers sont arrivés en disant il y a une personne qui est morte et c'est vous qui êtes responsable, etc. Et donc ils ont embarqué donc 117 personnes celtales de la communauté en les accusant, mais surtout en essayant de se servir de leur emprisonnement comme monnaie d'échange pour obtenir leur acceptation des concertations qui est en cours pour la gestion du nouveau centre écotouristique. Alors c'est de ça dont le communiqué parle, parce que quelques jours après leur arrestation, en fait, il y a un forum donc qui s'est tenu à San Cristobal avec les gens de la région qui étaient plutôt proches du gouvernement. En l'absence de tous les opposants, vu qu'ils étaient mobilisés par les arrestations, par le fait que les gens étaient en prison, pour signer ces accords qui passent la gestion de la zone à l'État et précisément à l'ENA, le secteur qui dépend de l'administration d'anthropologie, on va dire, mais qui contrôle à peu près toutes les zones archéologiques et souvent touristiques de beaucoup d'endroits au Mexique, et donc sous gestion étatisée. Et donc ces accords-là, qui ont du coup pas été signés, qui n'ont été signés que par les gens proches des officiels et pas du tout par tous les gens opposés, qui ont aussi leurs droits collectifs normalement. Ces accords-là, l'État voulait les imposer aux opposants en échange de la libération, ce qui a évidemment été refusé. Et donc si pratiquement là, sur les 120 personnes arrêtées, 117 précisément, pratiquement toutes ont été relâchées. Ils ont gardé les leaders les plus importants, 10 personnes au départ, puis 5, en faisant une monnaie d'échange en échange de la signature de ces traités. Donc ça s'est passé début février. Très vite, il y a eu des mobilisations dans le reste du Chiapas en solidarité, en fait, au sein de ce qu'on appelle l'autre campagne, donc cette alliance promue par les zapatistes en 2006, en bas à gauche, ça veut dire des alliances de lutte qui refusent donc la médiation électorale et qui essaient de s'organiser elles-mêmes en essayant de se porter soutien dans la lutte et dans la répression. Donc très vite, ces gens-là ont décidé de mettre en place des journées de solidarité et notamment en solidarité de faire des blocages de route. Et donc il y a eu des blocages de route organisés à Mitsitone, un peu plus bas, donc là où devrait être construite l'autoroute, sur la côte pacifique, également des actions de diffusion de tracts à San Cristobal, etc., enfin, dans différents coins du Chiapas. Donc il y a eu, je crois que les premières, ça a dû se passer autour du 11-12 février, ensuite il y a eu le 16 février, enfin, donc il y a eu une série de dates comme ça sur lesquelles l'autre campagne au Chiapas s'est mobilisée et sur ces mobilisations de solidarité pour obtenir la libération donc, des personnes arrêtées et emprisonnées à Batcharon, il y a eu aussi de la répression. Alors, c'est là-dessus que continue donc, ce communiqué de solidarité pour dénoncer la répression qu'il y a eu là cette fois contre le blocage organisé en solidarité à Mitsitone. Alors, Mitsitone, où ils avaient bloqué la route. Et là, le 13 février, les gens, donc le groupe de paramilitaires local, a agressé le blocage et donc a tiré à balles réelles sur les gens de l'autre campagne localement. Et il y a personne qui est mort, heureusement, mais il y a eu deux blessés graves. Donc quelque chose d'assez grave avec surtout une personne, Carmen Jiménez Heredia, qui a été touchée et qui depuis est toujours à l'hôpital. Donc voilà, c'est la solidarité de lutte s'est payée cher et ça a continué ensuite le 22 février. Donc de nouveau, il y avait une action de blocage, une action de solidarité au niveau de tout l'État qui avait été mise en place. Là, il y avait également des blocages qui avaient été effectués donc, sur la côte du Pacifique du Chiapas, sur les routes qui passent par là. Blocage organisé par un collectif, enfin, plus qu'un collectif, c'est donc le Conseil autonome de la région de la Costa, qui regroupe des dizaines de communautés qui se battent principalement pour... contre les hauts tarifs d'électricité. Voilà, ça a été leur première lutte, mais ils ont fait beaucoup d'autres luttes depuis. Donc ils s'organisent peu à peu pour l'autonomie de leur territoire. Et donc ils avaient fait un blocage de route en solidarité avec à la fois Batcharon et donc à la fois avec la répression à Mitsitone des paramilitaires. Et là, eux aussi ont dû subir la répression du gouvernement, puisque le 22 février, il y avait 56 personnes qui étaient là aussi arrêtées par la police, donc les différentes polices de l'État du Chiapas, voire fédérales aussi, il me semble. Voilà, 56 personnes, assez vite relâchées, mais des avocats d'un centre des droits de l'homme local qui s'appelle Digna Ochoa, qui sont retrouvés en prison pendant une dizaine de jours et qui sont sortis là aussi grâce à la solidarité qui a tout de suite été mise en place avec une manifestation, des marches, des appels à solidarité internationale qui ont été mis en place. Donc suite à cette escalade de violence où au Chiapas même, à chaque fois qu'il y avait mobilisation locale en solidarité, il y avait de la répression dans un contexte où il y avait aussi des grèves de la faim dans les prisons du Chiapas par rapport à la question des prisonniers politiques, où il y avait des campements organisés dans les principales places des villes de Tuxtla Gutiérrez et de San Cristobal. Donc toutes ces actions de solidarité étant criminalisées, il y a un appel international à bouger, donc beaucoup plus vaste que l'État du Chiapas au niveau national mexicain et au niveau international, qui a été mis en place pour essayer de pouvoir inverser les vapeurs. Et donc voilà, cet appel international a été lancé pour le début mars, avait été lancé pour le 7 mars dernier. Et puis bah, nous, au collectif donc Chiapas, on a eu l'occasion de faire quelques trucs, enfin très rapidement, mais il y a eu des actions internationales, Donc ces actions avaient été appelées par un collectif de l'autre campagne basé à New York qui s'appelle la Justicia por el Barrio, qui est un collectif basé à Harlem dans le quartier mexicain de East Harlem, où il y a beaucoup donc de migrants, et notamment de migrants sans papiers mexicains, qui sont organisés aussi, notamment contre les expulsions locatives, parce qu'ils ont été menacés d'être expulsés de leur bâtiment, qui avait été racheté par une grande multinationale il y a quelques années de ça. Et depuis, ils ont toujours manifesté leur solidarité avec les zapatistes, avec l'autre campagne, avec Atenco. Et donc... eux, connaissant assez bien la situation à Bacharon, ils ont tout de suite lancé cet appel à solidarité internationale qui a été relayé un peu partout dans le monde. Alors je vais voir si je retrouve le communiqué qu'ils avaient mis. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Non, je ne vais peut-être pas le retrouver, mais donc tout ça pour dire que le 7 mars dernier, il y a eu une première grande journée de... le 7 et 8 mars dernier, une première grande journée d'action internationale pour la libération, cette fois, donc des 5 prisonniers qui restaient à Bacharon et pour dénoncer la vague de répression au Chiapas, ainsi que les projets touristiques qui se mettent en place là-bas et les projets de construction de cette autoroute. Alors, donc ça a été relativement concluant, c'est déjà un premier essai. Mais pour autant, il reste toujours 5 de prisonniers de Bacharon là-bas. Pour autant, tant qu'il n'y a pas une solidarité internationale forte et marquée par rapport à ça, les projets touristiques vont continuer. Et là, on est à peu près dans une étape décisive, vu que l'année 2011 a été déclarée l'année du tourisme par le gouvernement mexicain, que c'est l'année des investissements dans les infrastructures routières, que donc il y a une très forte pression pour réaliser cette autoroute qui est l'une des plus coûteuses aujourd'hui au Mexique, voilà, en termes d'infrastructures. Et donc cette question donc, d'arriver à abattre pour le gouvernement mexicain, d'arriver à abattre les résistances locales pour arriver à mettre ces infrastructures et donc mettre... donc à la fois des business capitalistes qui servent les intérêts, mais aussi d'écraser à travers ça la résistance paysanne est bien avancée. Donc ça va nécessiter de notre côté, on est un certain nombre à penser ça, de manifester beaucoup plus de solidarité avec là-bas. Et un nouvel appel a été fait pour 5 jours d'action mondiale pour les 5 de Bacharon. Alors je vais le lire. Et puis après, on va faire une petite pause musicale. Et voilà, je reviendrai un petit peu sur ces histoires à Bacharon parce que c'est assez important. Et ça va marquer, je pense, l'année 2011, telle qu'elle se passe au Chiapas et au Mexique. Mais aussi ce qu'on peut construire ici et aussi sur ces questions de dépossession de terres. Alors, donc, voici la convocation aux 5 journées d'action mondiale pour les 5 de Bacharon, un communiqué écrit donc, par le collectif, le mouvement Justicia por el Barrio, basé à New York. À nos frères et sœurs de l'Erido San Sebastián Bacharon, à nos frères et sœurs zapatistes, à nos compagnons et compagnes de l'autre campagne, à nos compagnons et compagnes de la Sexta Internationale, à nos compagnons et compagnes adhérentes à la campagne internationale en défense d'El Barrio, donc de leur quartier, et nos alliés dans le monde entier, à la société civile au Mexique et dans le monde. La présente lettre est une convocation de la part du mouvement Por Justicia del Barrio à 5 journées d'action mondiale pour les 5 de Bacharon du 1er au 5 avril de cette année. Recevez nos embrassades affectueuse et de solidarité de la part du mouvement Por Justicia del Barrio de la Otra Campaña de New York. Nous voulons partager avec vous tous, une proposition de la part des gens simples et humildes, et honnêtes et modestes du quartier del Barrio, des migrants du quartier del Barrio de Nueva York. Une fois de plus, nous voudrions vous demander de vous unir à nous pour réaliser 5 jours d'action mondiale pour les 5 de Bacharon afin de contribuer à la libération de ces 5 prisonniers politiques de l'autre campagne. dans ces jours où nous pleurons et nous craignons une nouvelle tragédie nucléaire provoquée en grande partie par l'appétit sans frein des capitalistes, il est de plus en plus clair qu'il n'y a que de nous-mêmes et de nos actions organisées depuis nos communautés autonomes que nous pourrons résister à la destruction, aux guerres et aux tragédies massives que continuent de provoquer les multinationales, les banques, les propriétaires des grandes entreprises et aidés en cela par les mauvais gouvernements, les sales gouvernements. L'appui organisé, la solidarité organisée est aussi une source d'énergie, mais de cette autre énergie dont nous avons besoin pour stopper et contrecarrer les désastres provoqués par les entreprises. La résistance organisée de ceux d'en bas est l'unique solution pour arriver à sauver la planète. Et cela, les gouvernements au service des entreprises le savent aussi. C'est pour cela que les sales gouvernements, les mauvais gouvernements, combattent ceux qui s'organisent pour lutter contre le système capitaliste. C'est le cas, c'est ce qui s'est passé à la communauté autonome de San Sebastián Bachajón, donc qui ont dû subir cette répression. Alors qu'il n'y a toujours aucune garantie que le gouvernement fédéral et étatique obéisse à autre chose qu'aux ordres des multinationales, la communauté de San Sebastián Bachajón a décidé de défendre la terre et ses sources d'énergie afin de les protéger de la destruction et du déséquilibre écologique que produisent les grandes multinationales, et quel que soit là où elles veulent nous emmener. Les mauvais gouvernements savent cela, et c'est pour cela qu'ils maintiennent en prison les 5 prisonniers politiques de San Sebastián Bachajón. Ils nous tiennent emprisonnés simplement en échange de nos terres, ont dénoncé les compagnons arrêtés illégalement. Ceux-ci dénoncent que des représentants gouvernementaux leur ont rendu visite de manière répétée en prison, afin qu'ils cèdent à un dialogue sans garantie qui a pour unique but de s'approprier de leur territoire et donc du territoire où se trouve le guichet d'accès aux cascades d'Agua Azul. De plus, nos compagnes et compagnons de San Sebastián Bachajón en résistance ont réalisé une manifestation dans laquelle ils ont été cernés par des hélicoptères des forces policières et des camionnettes de la police préventive. Désolé pour les bruits. Ça nous remplit de beaucoup de joie de savoir que déjà 5 des prisonniers politiques ont été libérés. Une libération obtenue en grande partie grâce aux actions de solidarité de nos frères et sœurs de San Sebastián Bachajón et de la pression nationale et internationale. Ça nous remplit de joie d'avoir des nouvelles du soutien de différentes organisations et collectifs dans différentes parties du monde qui ont participé à la dernière convocation le 7 mars dernier, depuis le Mexique à l'Afrique du Sud, depuis l'Autriche jusqu'à Puerto Rico, en France, en Écosse, en Argentine, en Angleterre, en Allemagne, à Madrid, au Maroc, en Colombie, à Barcelone et ici à New York. Nous sommes sûrs que cela a été dû à vous tous et vous toutes et au travail constant des médias de diffusion indépendants, autonomes et libres, et que les personnes ne seraient pas sorties s'il n'y avait pas eu toutes ces mobilisations. Mais il reste encore 5 frères encore en prison, emprisonnés injustement. Et c'est pour cela que nous appelons donc aux 5 journées d'action mondiale pour les 5 de Bachajón, où nous invitons chacun, chacune, quel que soit son lieu de résidence sur la planète Terre, chacun à sa manière à réaliser des actions pour exiger au gouvernement répresseur de l'État du Chiapas, donc au gouverneur Juan Sabines Guerrero, qui est supposément de centre-gauche, la libération de tous les prisonniers politiques. À réaliser des actions du 1er au 5 avril et que toutes ces forces soient réunies, chacun à sa manière, que ce soit des manifestations, des marches, des rassemblements, des actions de rue informatives, des répartitions de tracts, des forums publics du théâtre, ou quelques types d'activités, que ce soit chacun à sa manière, mais en essayant d'inviter, enfin, en essayant d'envoyer des comptes rendus de ce qui pourrait se passer au courrier électronique de Justicia por el Barrio. Alors, c'est en espagnol, c'est Movimiento por Justicia del Barrio. Donc, Movimiento por POR Justicia, J-U-S-T-I-C-I-A del Barrio, Barrio B-A-2-R-I-O, @yahoo.com. Voilà. Justice, terre et liberté pour les Heridatarios de San Sebastián Bacharrón, ça veut dire ceux qui défendent les terres collectives de San Sebastián Bacharrón. Liberté pour les prisonniers politiques de San Sebastián Bacharrón. Vive les femmes organisées, vive les femmes en lutte de San Sebastián Bacharrón et fin, halte des agressions contre les adhérents de l'autre campagne. Voilà, ça c'est le message adressé par le Movimiento por Justicia del Barrio depuis New York, depuis la Otra Campaña de New York, en espérant que s'il y a des personnes donc, ici qui sont intéressées pour faire des actions sur ces dates-là, aussi nous se joignent à nous, collectif de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, alors soit en, donc en nous écrivant cspcl@altern.org, soit en passant aux réunions le mercredi soir à la CNT, la CNT 33 rue des Vignoles, métro Avron, le mercredi soir à partir de 20h30-21h, soit en allant sur notre site internet aussi où vous trouverez un certain nombre d'informations, cspcl.ouvaton.org, cspcl.ouvaton.org. Voilà, n'hésitez pas, on va essayer de, c'est bientôt, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est une campagne à moyen terme aussi, et on va en reparler après la musique, parce que derrière, il y a évidemment tous ces projets touristiques, et ça ne va pas s'arrêter juste à ces 5 prisonniers. Voilà, musique. ¿Por qué nos agandallan, compañeras? A ver, un grito fuerte. Ya, más o menos. Este es un pensamiento con este fondo de blues, arreglo de la resistencia. Es un reconocimiento a las mujeres que luchan, a todas las mujeres que siguen adelante, que ya no se dejan, que piensan, que trabajan. Y está dedicado a todos los hombres, para todos los hombres para los que no esté vetada la sensibilidad. Yo quiero decirles que yo soy con orgullo mujer. Yo soy María, soy Guadalupe y soy como todas las mujeres que luchan, como todas las mujeres que lloran, como todas las mujeres que aman. Alguna vez fui parte del botín y cuando se cometió el ultraje fui violada por las bestias que invadieron este pueblo. Soy la madre taciturna que parió al nuevo mestizo, que ha visto morir el día ahogado con nuestra sangre. Vi los soles de mis hijos derramarse en los cadalsos y vi su sangre confundirse con el agua de los mares. Yo he llorado por mis hijos y derramado mi angustia junto a los fuertes guerreros que prefirieron la muerte a ser esclavos de nativos o de extranjeros. A Tupac Amaru, a Canek, a Zapata, a Villa, a Che, a todos ellos yo parí. Son fruto de mis dolores y con ellos me han matado y también con ellos resucito cada vez que un parto anuncia con su grito que un nuevo será nacido, que está listo para el combate, para defender el orgullo de un pueblo que no muere, porque nos tiene a nosotras, a las mujeres, que mostramos el rostro altivo y también sabemos luchar. Y con nuestro hombre, junto a él, codo a codo y mano a mano, hemos sabido resistir y luchar contra el tirano. Dicen que soy solo una mujer, que soy la hija de Eva, que soy la descendiente de la Malinche, que soy débil, que soy frágil, y todo eso que inventan para mostrarme inferior, yo ya lo sé, son cuentos colonizantes de la historia y de la religión. Yo soy la heroica Micaela, soy la Adelita que lucha, que abandonó la cocina y ahora empuña 30-30. También soy la madre de todos los desaparecidos. Madre que nació parida por el dolor de ver que el amado fruto de sus entrañas ahora es festín del opresor. Sí es cierto, sí tienen razón, yo soy solo una mujer, pero esa es mi gran virtud, el ser activa y hermosa, porque soy la historia nueva, porque soy flor y revolución, soy la vida, soy la muerte, y soy hija de la chingada, y soy la madre, y soy la hermana, y soy mujer que encabronada, a mí no hay hombre que me contenga, y a cualquiera que a mí me quiera joder, yo le sugiero que lo piense, pues lo digo activamente, yo soy con orgullo mujer. Belle chanson, je sais pas qui c'est, mais ça me fait penser donc voilà aux mobilisations qu'il y a eu le 8 mars dernier, donc voilà par rapport un peu aussi à la place des femmes, notamment au Mexique, notamment dans la société mexicaine, et voilà le 8 mars, bon bah c'est une date ici qui est moins militante, dans lequel on fait un peu moins de choses, mais au Mexique en tout cas, il y a souvent beaucoup de mobilisation, souvent aussi parce que les contextes sont plus durs aussi entre les genres, et ça me fait penser que je vais essayer de vous lire là un communiqué qui avait été écrit à cette occasion par les femmes de Mitziton le 8 mars 2011. Un communiqué qu'on avait traduit en français, voilà, qui expliquait un peu la situation, donc cette fois à côté de Bacharon, un peu plus bas, donc ce que j'expliquais à 15 km de San Cristobal à Mitziton, expliqué par ces femmes en lutte de la communauté indienne Tzotzil de Mitziton. Donc 8 mars 2011, au Conseil de bon gouvernement, à la Sexta Internationale, à la Commission Sexta, au Congrès National Indigène, aux compagnons adhérents de l'autre campagne, aux défenseurs des droits humains, compagnes et compagnons nationaux et internationaux, nous, les femmes du village organisé de Mitziton, nous envoyons nos cordiales salutations à toutes les femmes organisées qui luttent pour le respect des droits humains partout dans le monde. Aujourd'hui, notre voix s'unit à la voix de vous toutes afin de dénoncer les agressions et la violence que nous vivons dans nos communautés de la part des paramilitaires, armés de Dieu, ailes de l'aigle, que le mauvais gouvernement sait très bien qu'ils sont armés et qu'ils utilisent pour obtenir, qu'ils utilisent donc le groupe paramilitaire pour obtenir la spoliation de nos terres et pouvoir construire l'autoroute San Cristobal Palenque. Mais il n'y arrivera pas parce que nous sommes unis et organisés afin de défendre notre territoire. Comme vous le savez, durant ces derniers mois, notre communauté a été l'objet de beaucoup de violences de la part du groupe paramilitaire Armé de Dieu, Aile de l'Aigle. Récemment, nous avons entendu dire qu'ils racontaient à gauche à droite qu'ils allaient nous chasser de nos maisons avec nos époux et nos enfants pour nous frapper, nous tuer, afin que cesse notre lutte pour la défense de notre territoire. Nous, les femmes, nous exigeons que cesse toute cette violence et que soient respectés nos droits comme peuple et village indigène et comme femmes. Le mauvais gouvernement sait très bien quels sont nos engagements auprès de notre communauté et nous exigeons qu'il les respecte. Nous nous solidarisons avec les compagnes de San Sebastián Bacharon et aujourd'hui que nos compagnes souffrent plus parce que le mauvais gouvernement a enfermé leurs époux et leurs fils pour des délits qu'ils n'ont pas commis et que le mauvais gouvernement fait cela juste comme moyen de pression afin de les obliger à arrêter de défendre leur territoire, afin que le mauvais gouvernement avance dans ses méga-projets écotouristiques. Nous voulons te dire, compagne, que tu n'es pas seule. nous sommes là aussi, car les femmes, nous sommes toujours celles qui souffrent le plus de cette violence. Et ensemble, nous allons résister afin que nous ayons une vie digne et le droit de vivre heureuse. Nous envoyons notre salut à toutes les compagnes de la côte du Chiapas, dont la lutte et la résistance nous a appris. Car grâce à leur force et leur valeur, la liberté de nos compagnons, défenseurs des droits humains, qui luttent aux côtés des pauvres du peuple, ont été libérées. Compagnes, nous voulons vous dire que nous devons continuer d'avancer ensemble dans nos luttes et de ne pas nous épuiser. Car unis dans la lutte pour nos droits, nous obtiendrons notre autonomie et la libre détermination comme village et peuple indigène, ainsi que le respect de nos droits en tant que femmes. Vive nos compagnes zapatistes, vive la commandante Ramona, vive toutes les femmes qui luttent pour la reconnaissance et le respect de leurs droits. Assez de l'exploitation des femmes, liberté aux prisonnières et prisonniers politiques. Que partent les paramilitaires de notre communauté de Mitsitone, non aux mines, non aux barrages hydroélectriques, non à la spoliation de notre territoire. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Voilà, c'était un communiqué donc des femmes de Mitsitone, cette communauté donc, qui est régulièrement en proie aux attaques du groupe paramilitaire évangélique Armée de Dieu, qui est un groupe qui compte plusieurs milliers de personnes organisées donc, militairement, qui font des défilés régulièrement et qui ont énormément de relations avec le gouvernement de l'État, avec l'administration de l'État du Chiapas, et donc qui sont régulièrement couverts dans leurs exactions. Donc tout cela, tout cela dans un contexte où, comme elle le dénonce, il y a cette autoroute qui se met en place, ce plan, ce plan de touristification du Chiapas, sur lequel on a déjà écrit au CSPCL. Donc si vous allez sur notre site, vous trouverez des informations sur lesquelles on va continuer à écrire en espérant diffuser un peu plus, peut-être même des vidéos, en tout cas des en tout cas, on a essayé de faire une petite brochure, on va essayer de faire des documents afin de faire mieux connaître ce qui est en train de se passer. Souvent aussi, parce que malheureusement, le Mexique, beaucoup y vont en tant que simples touristes, sans s'apercevoir que toutes les infrastructures dans lesquelles ils vont, elles se sont réalisées sur le sang des communautés, sur leur dépossession. Donc il faut mesurer un peu ce qui est en train de se passer là-bas, où c'est vraiment une manœuvre de contre-insurrection qui est en train de se passer, pour faire, selon les mots de Juan Sabines Guerrero, qui est le nouveau gouverneur du Chiapas, de faire de son État le deuxième Cancun du Mexique. Mais cette fois de faire un Cancun entre guillemets écologique, ça veut dire basé sur le segment touristique du tourisme de nature entre guillemets et d'archéologie, vu que les ruines de Palenque donc sont célèbres dans le monde entier et qu'autour c'est encore la forêt tropicale, donc il y a des cascades, il y a la végétation et donc il y a des formations qui ont été faites dans les dernières années pour essayer de faire des petites palapas un peu partout, des formations au canyoning, etc. etc. Donc avec l'idée que l'État du Chiapas ne soit plus seulement un lieu de passage donc pour des tours opérateurs qui organisent des voyages de 2 semaines qui partent de Mexico et qui repartent par Cancun. Souvent il y a deux, je sais pas si vous avez, certains d'entre vous ont déjà regardé des livrets touristiques pour partir au Mexique, mais en général il y a soit ces voyages de souvent 15 jours, 3 semaines qui sont proposés, donc ils font un tour où on s'arrête, où les gens passent 2-3 jours au Chiapas, alors un jour à San Cristobal, un jour à Palenque en général, et puis des fois un autre jour ça peut être aux cascades d'Ahuasul ou sur la route, mais rarement en restant sur place, et où il y a soit ça, soit des voyages, soit des séjours d'une semaine ou 2 semaines à Cancun même, où les gens donc restent en villégiature pour la mer. Et donc le plan là de la Fonatur, de cet énorme organisme de touristification, c'est de faire un nouveau projet de zone hôtelière où les gens resteraient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines directement au cœur du Chiapas à Palenque, et d'où les gens partiraient pour faire des expéditions, pour voir les ruines, pour aller au parc aquatique, pour pratiquer le canyoning dans la région, etc. Donc en fait, faire un espèce de paradis tropical pour occidental, comme il peut y en avoir par exemple au Costa Rica, mais cette fois au Chiapas avec les communautés indiennes comme expression exotique de la diversité des territoires. Donc quelque chose qui est complètement évidemment antinomique avec la lutte qui a été entreprise depuis 15 ans, en tout cas sous la forme zapatiste, cette lutte pour l'autonomie et le mode de vie paysan de ces communautés indiennes et la défense de leur terre, de leur tradition, de leur culture, de leur langue. Quelque chose aussi antinomique avec la conception justement du partage, de la solidarité et du partage humain que nous on peut expérimenter à travers les collectifs de solidarité où évidemment on a eu l'occasion un certain nombre de passer du temps au Chiapas ou ailleurs, mais dans l'hospitalité la plus simple, c'est-à-dire sans avoir besoin d'apporter un échange monétaire pour cela, mais dans la solidarité, ça veut dire parler de nos conditions de vie, du système dans lequel on vit, sans se masquer, sans essayer de se voiler derrière des images de cartes postales, et puis en essayant de partir de ce qu'on vit pour essayer de l'améliorer comme on peut. De raconter nos histoires d'êtres humains, de chansons, de paroles, de discussions, d'amitié, entre personnes. En tout cas, une expérience qui a marqué et qui marque toujours le comité de solidarité, le CSPCL. J'en profite pour faire un salut aux compas donc, du comité qui sont au Mexique actuellement, que ce soit FX, Julie, d'autres amis à nous qui vadrouillent par les terres mexicaines et qui viendront sûrement nous raconter bientôt un peu la situation sur place depuis leurs yeux. Voilà. Et puis tous de prendre conscience un peu de ce qui se passe là-bas et de la nécessité un peu de lutter contre ces plans de tourisme de masse qui sont destinés principalement d'ailleurs aux touristes européens, plus qu'aux touristes américains. Donc c'est principalement destiné aux tour opérateurs européens. Donc il y a des campagnes à mener aussi sûrement contre les agences touristiques ici qui proposent ce genre d'escapades. Et en tout cas d'essayer d'amener d'autres conceptions par rapport à ça. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je voulais en profiter aussi pour revenir sur deux thèmes. Alors je vais inverser par rapport à ce qu'on avait dit au début de l'émission. On va peut-être dans la prochaine émission revenir un peu plus sur ce qui se passe aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout court, donc avec les révoltes au Maghreb et le dernier forum social mondial qui a eu lieu à Dakar, et surtout les caravanes pour la liberté de circulation qui sont organisées dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, où il y a des dynamiques qui prennent, il y a des luttes locales aussi qui s'organisent petit à petit, des groupes qui se rencontrent, petit à petit aussi une certaine critique des ONG et de la politique institutionnelle qui se rend plus visible, où des gens essaient de faire d'autres choses pour lutter contre les mines d'or, pour lutter contre l'accaparement des terres. En Afrique actuellement, il faut savoir qu'il y a des millions d'hectares qui ont été rachetés. Donc toutes ces dynamiques où finalement on retrouve les mêmes problèmes souvent qu'au Mexique, qu'en Amérique latine, et un peu dans ce cadre de l'autre campagne, de ces idées de faire des alliances en bas à gauche. C'est intéressant de regarder un peu partout et pas simplement là où on a nos habitudes, mais aussi ce qui est en train de se passer actuellement. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter avec un ami à nous notamment qui connaît bien la région d'Afrique du Nord pour en être originaire, pour être kabyle d'origine. Et voilà, je sais qu'il s'était beaucoup bougé, notamment en solidarité avec les berbères libyens qui sont en lutte contre Kadhafi depuis bien avant ces derniers mois, qui ont dû subir la répression régulièrement ces dernières années. Et savoir un peu son point de vue sur la situation, rediscuter un peu de tout ça. Là, on n'a ni peut-être le temps ni les personnes pour le faire bien, donc je réserve peut-être ce truc-là à plus tard. Et avant, une nouvelle petite pause. Donc on va faire une petite pause musicale et après je vais vous parler ici d'une lutte dont on a déjà eu l'occasion de parler, mais pour vous annoncer un peu les dynamiques actuelles, qu'est la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes du côté de Nantes dans l'ouest de la France, où là aussi en France on assiste au même phénomène de dépossession du territoire pour des méga-projets. On est tous ici aussi victimes de l'aménagement du territoire, de décisions prises d'en haut et de la disparition progressive de nos petits espaces qui nous restent de liberté, en tout cas où peuvent s'expérimenter d'autres choses que le système salarial, et notamment des modes de vie paysans, ou encore même des résistances à la ville à travers la tenue d'espaces autonomes. On en parle juste après une petite pause musicale. Voilà, Pablo à la technique, nous envoie un morceau. Go! Petit retour sur la jungle des luttes, 106.3 FM, Radio FPP. Donc pour les 10 dernières minutes de l'émission, pour retourner un peu plus là sur ce qui peut se passer en France, donc dans cette même dynamique un peu où on essaye en tout cas de voir un peu autour de nous ce qui peut se passer de lutte aussi ici pour nos entre guillemets nos terres, nos territoires, nos espaces à nous, nos espaces autonomes. En rappelant que parmi les initiatives qui avaient été prises par l'autre campagne, il y avait eu cet appel à faire une campagne mondiale donc pour la défense des terres, territoires autonomes, indigènes ou pas d'ailleurs, partout dans le monde. Et nous, ça, c'est vrai que ça nous fait penser à pas mal de choses. Bon, on avait fait organiser des rencontres, notamment le CSPCL l'année dernière, qui s'appelait Terre et Territoire à la CIP, le lieu de la coordination intermittent précaire qui est toujours menacée d'expulsion. Il me semble qu'ils n'ont toujours pas été expulsés, mais qui sont en instance d'expulsion, qui cherchent un lieu qui a servi à faire beaucoup de concerts, d'actions de soutien, toujours à défendre, CIPIDF. Tapez ça sur internet. Et donc on avait organisé ces journées Terre et Territoire, et notamment l'une des luttes dont on avait pas mal entendu parler, c'est celle de la lutte à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, contre la construction d'un nouvel aéroport qui devrait servir à étendre un peu plus la métropole dans la région, et notamment de faire une espèce de une métropole mutante qui engloberait Nantes, Rennes et Saint-Nazaire, avec un pôle logistique aéroportuaire au milieu qui s'appelle sur les terres agricoles de Notre-Dame-des-Landes. L'occasion, on en a déjà parlé de cette lutte, donc je vais pas forcément ici revenir dessus, mais l'occasion de dire que là il y a un deuxième numéro de leur revue Les Béton qui vient d'être imprimé, qu'ils ont un site maintenant, ils ont un site internet, http://zad.nadir.org. Dire que ils sont donc le projet mené par maire de Nantes, maire PS de Nantes, et l'une des principales figures de parti socialiste, leur tombe toujours sur le coin de la gueule avec Vinci, l'énorme société Vinci qui devrait construire. Et pensez bien à le mettre en avant, donc à construire cet aéroport. Donc ils essaient d'organiser toujours la lutte contre là-bas, contre ces projets-là, contre les forages, contre la construction. Et notamment, il y a des appels à venir sur la ZAD, sur place, pour les aider dans leur lutte. Alors ça se passe... premièrement du 4 au 10 avril prochain avec des ateliers de partage de savoir sur les lieux occupés de la zone. Il y a une quinzaine de lieux occupés. Du 4 au 10 avril prochain avec des ateliers de grimpe dans les arbres, des ateliers de sérigraphie, toute une série d'ateliers. Et le 7 mai 2011 avec une manif occupation avec le réseau de paysans sans terre Reclaim the Field pour installer une nouvelle ferme sur le terrain. Le 7 mai, grand rendez-vous national à Notre-Dame-des-Landes pour l'accès à la terre contre l'aéroport et son monde avec Reclaim the Fields. Donc plus d'informations sur www.reclaimthefields.org et sur zad.nadir.org. Je vous rappelle, avant de nous quitter aussi, la prochaine fois, on aura sûrement l'occasion de reparler aussi de lutte ici, plus en région parisienne. Une petite dédicace aux gens de People and Baby qu'on a eu l'occasion de soutenir au CSPCL. Les gens qui ont fait grève dans la petite enfance ici à Paris. Une dédicace aussi aux gens qui luttent pour la CIPIDF, donc pour le maintien des zones. de ce centre social. Et puis, voilà, retrouver un peu les informations du CSPCL sur le site http, sur le site www.cspcl.ouvaton.org. Notre email, c'est cspcl@alterne.org. Voilà, on a des listes de diffusion. N'hésitez pas à vous y abonner. Et nos rendez-vous, donc c'est le mercredi soir au 33 rue des Vignoles, métro Avron, à la CNT, voilà, le mercredi soir à partir de 20h30, 21h. Tout de suite, la fin de l'émission avec l'hymne zapatiste, et puis on laisse place à l'émission suivante au trottoir.